sais pas comment. Oui, bien sûr, j'aime lui, ça marche parfaitement pour faire de la vraie zik. Non, mais c'est parce que en fait, je sais pas comment gérer la caméra virtuelle et l'enregistrement et tout ça. Donc si tu veux te voir, tu peux. Et tu vas voir que je t'ai mis sans doute fort. Parce que t'as pas encore dit trop de la merde. Donc t'es bienvenu. T'as l'air d'un troll. Un gentil troll. Comme, voilà, j'adore. À tout de suite. Mais on te voit à l'écran, hein, promis. On te voit sérieux et tout. J'arrête le pchit, c'est moi le pchit, excusez-moi. Yo, we want you on drums. Ah mais c'est Nout qu'on a à l'écran, mais bienvenue Nout, excuse-moi, j'ai cru que c'était le gros Gilbert, j'avais un peu peur qu'il ouvre son slip en fait. Et donc eh ben, sur YD, Online Open Mic, et sinon c'est sur Twitch, YD tout court, parce que y avait, c'était possible, YD's Online Tic-a-pap Open Mic Pied-a-pap. Enfin, bon, évidemment, YD. C'est la seule fois où on va muter quelqu'un, putain. Oh là là, on va devoir le muter, désolé, désolé, ça arrive jamais, ça arrive vraiment, vraiment jamais. Ah oui, salut nous, tu te vois aussi, moi je te vois. Et j'ai envie de te dire merci, merci de venir. Ici, et moi je reviens de manif, c'était génial. Alors, gros Gilbert qui nous a pas montré son slip, il nous casse les couilles avec son truc, non? Donc on va... Ah non, c'est toi là, c'est toi qui envoie ça là. Et Nout, il est tout muté, c'est toi, t'étais sur deux channels. Mais laisse tomber ça là, on va faire mieux que ça, non? Ouais, ouf. Tu m'as fait peur un instant là, c'était fatigant, putain. Moi je reviens, il y avait des flics qui nous envoyaient des trucs, hein. C'était violent, genre... Là c'était trop dur, là. C'était faire pipi sur tous les gens qui sont autour de nous. Ah mais ok, d'accord. Et mais ok. Ben d'accord. Mais comment tu fais alors que t'es Nout en même temps? Moi je suis perdu. Il y a quand même un bug. C'est trop compliqué pour moi. Je vais continuer. Je vois que t'es sur l'herbacha. Je vais continuer à l'herbacha aussi. Et je vais faire peut-être du bruit pour relancer notre batteur. Ou alors, non, je sais ce que je vais faire. C'est en sol mineur. Et c'est en 3 notes. Thank you. do do day do do da do do dum ba dum da dum gay da da dum do go do do go get do go do go get do go do dum dum go do dum da da da dum. Ouais, je pourrais sauver la face en disant que c'est un accordage de hippie qui fait résonner ton âme avec l'univers. Et pourtant, je vais pas tenter ça. J'ai trop de respect pour ton oreille et on va continuer sans ma proposition. Continuer sans. On est assez nombreux et sans ta proposition. Continue sans ma. On est assez nombreux maintenant pour déléguer. Pensez à tout ce que tu feras. Quand tu pourras plus, quand tu pourras pas, c'est trop tard. Si tout bouge pas maintenant, Terminator, il ressemble à toi, oh gars, maintenant. Quand tu regardes, tout ça sans rien faire. Quelle misère. Papa, on comprend pas. Le relais est juste là. Papa, on comprend pas. Papa, papa, on comprend pas. Le relais est juste là. Et papa, on comprend pas. Le relais. Non, je sais pas, imagine juste. Boulangerie connectée, juste pilotée par IA. Boulangerie qui sait quand tu vas arriver. Sociologie dirait vrai. Pas à pas. La planification qu'on ne sait plus, qu'on ne sait pas. Apporter. Plébiscité. Pas à pas. Assister. Sur de belles images, sur de belles images Instagrammées. Avec le concept que tu vois à toi. Que sera si facile de tout changer. Logocracia over there. I think those words got much power now. Logocracia over reason now. He thinks I've been drowned. I've been drowned out in those days. I've been led out. In false idea of about liberty someday. I think that if I'm alone, I can do anything with the help of the people. Nothing can be impossible. I've been the night in Wonderland. It was equal right everywhere. It's just like the movie The Eighth Wonderland, of a crazy land that people rule. People rule for real. They had the vote every day. People rule for real. They had a vote every day. Eighth Wonderland. Un truc de fou. Ouais, un vrai truc de fou. Je vais l'écrire. Il y a Nikos Adiagas dedans. Et Amanda Lear. Pour de vrai. Dans son deck. Alors les guys, c'est pas des gauchos, quoi. Et le truc, c'est du cinéma. Hein. Bon, maintenant,